Et comment direz-vous « j'aimerais le voir » ? Me gustaría. C'est ça, me gustaría le voir. Verlo. Bien, me gustaría verlo. Et j'aimerais faire une réservation. Me gustaría faire, hacer una reserva. C'est ça, me gustaría hacer una reserva. Me gustaría, j'aimerais, ou quisiera. On l'a vu. Quisiera hacer una reserva. Les deux sont possibles.